Nombre chapitre 33. Ce sont ici les traites des enfants d'Israël, qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur bande, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Car Moïse écrivit leur délogement, par leur traite, suivant le commandement de l'Éternel, ce sont donc ici leurs traites, selon leur délogement. Les enfants d'Israël donc partirent de Ramézé, le 15e jour du premier mois, dès le lendemain de la Pâque, et ils sortirent à main levée, à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens ensevelissaient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, savoir, tous les premiers-nés, même l'Éternel avait exercé ses jugements sur leur Dieu. Et les enfants d'Israël étant partis de Ramézé, campèrent à Sukkot. Et étant partis de Sukkot, ils campèrent à Étham, qui est au bout du désert. Et étant partis d'Étham, ils se détournèrent contre Pi'héroth, qui est vis-à-vis de Baal-Séphon, et campèrent devant Migdol. Et étant partis de devant Pi'héroth, ils passèrent au travers de la mer, vers le désert, et firent trois journées de chemin par le désert d'Étham, et campèrent à Mara. Et étant partis de Mara, ils vinrent à Élim, où il y avait 12 fontaines d'eau, et 70 palmiers, et ils y campèrent. Et étant partis d'Élim, ils campèrent près de la mer Rouge. Et étant partis de la mer Rouge, ils campèrent au désert de Sin. Et étant partis du désert de Sin, ils campèrent à Dovka. Et étant partis de Dovka, ils campèrent à Alu. Et étant partis d'Alu, ils campèrent à Rephidim, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Et étant partis de Rephidim, ils campèrent au désert de Sinaï. Et étant partis du désert de Sinaï, ils campèrent à Kibrotava. Et étant partis de Kibrotava, ils campèrent à Hatzeroth. Et étant partis d'Hatzeroth, ils campèrent à Ritma. Et étant partis de Ritma, ils campèrent à Rimmon-Péret. Et étant partis de Rimmon-Péret, ils campèrent à Libna. Et étant partis de Libna, ils campèrent à Rissa. Et étant partis de Rissa, ils campèrent vers Kélat. Et étant partis de vers Kélat, ils campèrent en la montagne de Séphé. Et étant partis de la montagne de Séphé, ils campèrent à Arada. Et étant partis de Arada, ils campèrent à Makhéloth. Et étant partis de Makhéloth, ils campèrent à Tahat. Et étant partis de Tahat, ils campèrent à Théra. Et étant partis de Théra, ils campèrent à Mitka. Et étant partis de Mitka, ils campèrent à Asmona. Et étant partis de Asmona, ils campèrent à Moseroth. Et étant partis de Moseroth, ils campèrent à Bénéjaakan. Et étant partis de Bénéjaakan, ils campèrent à Orgiga. Et étant partis d'Orgiga, ils campèrent vers Jotbat. Et étant partis de devant Jotbat, ils campèrent à Abrona. Et étant partis d'Abrona, ils campèrent à Etsiongébé. Et étant partis d'Etsiongébé, ils campèrent au désert de Tsin, qui est Kadai. Et étant partis de Kadai, ils campèrent en la montagne d'Or, qui est au bout du pays d'Édom. Et Aaron le sacrificateur, monta sur la montagne d'Or, suivant le commandement de l'Éternel, et mourut là, en la 40e année après que les enfants d'Israël, furent sortis du pays d'Égypte, le premier jour du 5e mois. Et Aaron était âgé de 123 ans, quand il mourut sur la montagne d'Or. Alors le Chananéen, roi de Hara, qui habitait vers le midi, au pays de Chanaan, apprit que les enfants d'Israël venaient. Et étant partis de la montagne d'Or, ils campèrent à Tsalmona. Et étant partis de Tsalmona, ils campèrent à Punon. Et étant partis de Punon, ils campèrent à Oboth. Et étant partis d'Oboth, ils campèrent à Ijéabarim, sur les frontières de Moab. Et étant partis d'Ijim, ils campèrent à Dibonga. Et étant partis de Dibonga, ils campèrent à Almon, vers Diblatajim. Et étant partis d'Almon, vers Diblatajim, ils campèrent aux montagnes d'Abarim, contre Nebo. Et étant partis des montagnes d'Abarim, ils campèrent aux campagnes de Moab, près du Jourdain de Jéricho. Et ils campèrent près du Jourdain, depuis Bet-Jézimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les campagnes de Moab. Et l'Éternel parla à Moïse, dans les campagnes de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant, « Parle aux enfants d'Israël, et leur dis, puisque vous allez passer le Jourdain pour entrer au pays de Chanaan. Chassez de devant vous tous les habitants du pays, et détruisez toutes leurs peintures, ruinez toutes leurs images de fonte, et démolissez tous leurs lieux. Et rendez-vous maître du pays, et y habitez, car je vous ai donné le pays pour le posséder. Or vous hériterez le pays par sort, selon vos familles. » À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez plus d'héritage, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez moins d'héritage, chacun aura selon qui lui sera échu par sort, et vous hériterez selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas de devant vous les habitants du pays, il arrivera que ceux d'entre eux que vous aurez laissés de reste, seront comme des épines à vos yeux, et comme des pointes à vos côtés, et ils vous serreront de près dans le pays auquel vous habiterez. Et il arrivera que je vous ferai tout, comme j'ai eu dessein de leur faire.